إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فلازلنا مع كتابنا علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة وقد وصلنا إلى الفصل الرابع بعنوان بين مصطلح أهل السنة ومصطلحات أخرى فمن المصطلحات الفرقة الناجية يعني أسماء أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة لهم أسماء ومن هذه الأسماء الفرقة الناجية أما مصطلح الفرقة الناجية فقد دلت عليه ظاهر الأحاديث الكثيرة التي رواها 19 صحابيا ويكفي في ثبوت وجود هذه الفرقة الناجية أن تكون هذه الروايات قد ذكرتها بعد ذلك افتراق الأمة. Donc nous allons voir ce soir, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, des noms qui ont donc rapport avec le nom de Al-Sunnah. Et ou les des appellations. Et la première appellation, c'est Al-Firqa Al-Najiyah, le groupe sauvé. Et ce nom, ou cette appellation, est issue de preuves authentiques, des hadiths. Il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de cela. Il y a entre 13 et 19 compagnons qui ont mentionné les hadiths. Il y a plus de 13 compagnons du prophète, le Dallah Alim, qui ont mentionné les hadiths qui évoquent ce nom-là, afin de prouver que ce nom-là existe bien. Wa min hadhihi riwayat ma rawahu Anas ibn Malik, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, inna bani Israel tafarrakat ala 71 firqa, fahalakat 70 firqa. وخلصت واحدة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة فتهلك 71 وتخلص فرقة أو فرقة قالوا يا رسول الله من تلك الفرقة قال الجماعة وفي رواية أخرى ما أنا عليه وأصحابي ووصفها صلى الله عليه رضي الله تعالى عنه بأنها مستحقة لقوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Donc parmi les preuves que c'est bien la secte ou le groupe sauvé, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes les enfants d'Israël se sont divisés en 71 sectes. Et donc 77 sont égarés et une a été sauvée. Et certes ma communauté a été divisée en 72 sectes. 71 ont été égarés et une a été sauvée. Et les compagnons du prophète, ils ont dit quelle est cette secte ou envoyé d'Allah. Et il a dit le groupe, Al-Jama'a, Al-Jama'a. et dans une autre version ma ana alayhi wa ashabi. Donc ce que je fais actuellement ainsi que mes compagnons, ce que je suis, ce dont je suis avec mes compagnons. C'est dans une autre version. Il y a une version qui est 72, il y a une version qui est 73. Il y a 73, hein, ça existe. Mais on verra ça plus tard, sûrement. Il y a plusieurs al-Wayah. Par rapport à l'Ummah, l'Ummah de Mohammed, ce n'est pas l'Ummah à l'origine qui compte précisément les chiffres. C'est-à-dire que 72, vers 73, laisse un akfar. Parce que des fois, tu peux trouver, c'est possible que deux sectes, elles seront peut-être en vérité une seule origine. Non. Donc Ali, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la secte qui est sauvée, c'est celle qui mérite, donc la parole d'Allah, de ceux parmi nous avons créé, donc une communauté, il y a un groupe, qui guide avec la vérité, et ils sont justes avec cette vérité. Et aussi, donc, Abu al-Qadr al-Jilani, rahmallah, donc il dit, أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة donc il dit bien que الفرقة الناجية c'est bien donc les gens de la سنة et du consensus. وأما شيخ الإسلام في أول عقيدته الواسطية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة في أول كتابه لما يعني يوصف لنا كتابه. Donc lorsque Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, dans le début de son livre Al-Aqid al-Wasitiyah, dit bien, voici donc la croyance du groupe sauvé secouru jusqu'au jour dernier, les gens de la Sunna et du consensus. Amma al-mustalah al-thani fahwa al-ta'ifa al-mansura. Donc le groupe qui a été secouru. Le groupe qui a été secouru. أما المصطلح الطائفة المنصورة فقد ورد ذكره في أحاديث عدة عن 19 صحابيا إضافة إلى بعض المراسل حتى لقد صرح عدد من العلماء المعتبرين بالتواتر على الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي والزبيدي وكنتاني وغيرهم. Donc ici, Taifa al-Mansura, le groupe donc, qui a été en vérité secouru, le groupe qui est secouru, il y a 19 compagnons du prophète qui ont donc, mentionné ce hadith, sans côté al-Marasil. Et plusieurs ulama ont dit que ce hadith-là, donc il mentionne Taifa al-Mansura, donc il arrive au niveau de Tawatur. Le Tawatur, comme quoi il est répandu. Parmi eux, Shalih Ibn Taymiyyah, l'imam Suyuti, Zubaydi, Zabidi c'est celui qui a fait, il a fait donc Muqtasar Sahih al-Bukhari, Muqtasar yani Sahih al-Bukhari, n'am. Et Kattani, rahmatullah alayhim, jami'a. Et d'autres encore. Et parmi les dalils, c'est La tazale ou ta'ifatu min ummati vahirin ala al-haq. La yadurruhum min khazalahum hatta yati amrallah wa hum kazalik. Donc il y aura toujours un groupe de ma communauté qui seront clairvoyants dans la vérité. La perdition ou bien la trahison des autres, ou bien la perdition des autres en réalité, ne va pas donc, leur faire de mal. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal donc va bien sûr donc les faire revenir à lui. Et ils seront comme ça. Et quand ici on voit que l'aïdurraou, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais subir des preuves. Mais ça veut dire qu'en vérité, c'est pas parce que les gens sont égarés qu'eux ils vont s'égarer. Mais ils vont subir, ils peuvent subir des épreuves de ceux qui ne sont égarés. Et dans un autre, donc il y a bien sûr plusieurs riwayas par rapport à cela. Il y a aussi donc le hadith al-Jabal ibn Abdillah. Ou le hadith donc où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit donc La tazal ou ta'ifatu min ummati yuqatilun ala al-haq. Va'alina ila yawm al-qiyamah. Donc il y aura toujours un groupe de ma communauté qui combattra dans la vérité et qui sera clairvoyant, donc apparent jusqu'au jour dernier. فهي طائفة قائمة بأمر الله وواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخلو الزمن عنها ولا يتخلى عن واجب الجهاد فهي إما في الجهاد الفعل أو في سبيلها إلى الجهاد إعدادا وتهويئا صابرة على هذا العمل الجليل وهي طائفة منصورة في جملة أحوالها وأماكنها وعلى مر الأزمان. Donc il y aura toujours un groupe qui va en vérité donc être donc qui va montrer en vérité qui va faire ce que Allah a ordonné dans le fait de faire la da'wah, donc de prêcher, de recommander le bien, d'interdire le mal. Il y aura déjà donc à toute époque. Et ils ne vont jamais oublier donc l'obligation de la djihad, que ce soit par l'acte ou autre, donc tous les types de djihad. Et ils patientent dans justement ces efforts-là. Ils vont patienter dans les efforts. Et elle sera donc, ce sera le groupe sauvé, donc dans tous les moments et dans tous les endroits. كذلك من المصطلحات الأخرى أهل الحديث أهل الحديث les gens du hadith لما الصحابة إذا فتحوا البلدان كان الناس يقولون عنهم أصحاب الحديث هكذا لأنهم كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكثرة قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من العوام لما فتحوا البلدان كانوا يقولون عنهم كانوا يقولون عنهم أصحاب الحديث أو أهل الحديث donc les gens du hadith et ça c'est déjà été appelé chez les compagnons du prophète lorsqu'ils faisaient les futuhat et qu'ils ouvraient les contrées tellement ils répondaient les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم que les gens les appelaient les gens du hadith hein? les gens du hadith أما فيما يتعلق بمصطلح أهل الحديث فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أحمد أنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم كما قال الإمام أحمد رحمه الله donc l'imam Ahmed dit par rapport au hadith du prophète صلى الله عليه وسلم que la communauté va se diviser par entre donc Naïf, donc c'est 70 et quelques, donc sectes, toutes en enfer sauf une. Et l'imam Ahmed dit, si ce ne sont pas les gens du Hadith, donc je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas qui sont en réalité donc ces gens-là. وقال القاضي عياض عقب قول أحمد السابق إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ويعتقد مذهب أهل الحديث donc قاضي عياض dit رحمه الله par rapport à cela donc certes l'imam Ahmed a voulu donc mentionner les gens de la sunna du consensus et ceux qui ont donc le même madhhab. Il dit madhhab ou ahli al-hadith, yani bima'na, il dit aja hadith an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sahih, fa yaqbilunahu wa ya'maluna bihi. Hada huwa madhhab ahli al-hadith. Alladhina ya'malu bil haqq, ya'maluna bil haqq, bil Qur'an wa sunnah. Et ceux qui donc ont la conviction des gens du hadith, qui en réalité donc le fait d'accepter le Coran et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال الجيلاني أهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. Donc les gens de la Sunna n'ont qu'un seul nom, qui sont en réalité que les gens du Hadith, que les gens du Hadith. كذلك يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طويل يعني في ذلك وحتى الإمام البغدادي رحمه الله. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلنهم بأثر المرسلين إذا كان فعلا الناس يتبعون الأنبياء فالذي يعني يتكلم بالأدلة بأقوال الأنبياء ويعمل بأعمال الأنبياء فهو أحق بالأنبياء لأن أقربهم إلى أهول الأنبياء فهكذا تأتي السعادة في الدنيا والآخرة السعادة في الدنيا والآخرة donc si le bonheur de la vie d'ici-bas dans le débat dans l'au-delà et dans le fait de suivre les envoyés. Donc, il est clair et évident que les gens plus méritoires de ceux-là, ce sont ceux qui connaissent mieux les traces, c'est-à-dire en réalité ce qu'on fait, justement les envoyer. وَأَتْبَعُهُمْ لِذَلِكَ وَأَتْبَعُهُمْ لِذَلِكَ فَالْعَالِمُونَ بِأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَالْمُتَّبِعُونَ لَهَا الْمُتَّبِعُونَ لَهَا. Et aussi, donc ils savent, ils sont au courant, ils ont science de leurs paroles et de leurs actes. Et ils les suivent. Et donc ils font ce qu'ils font. هُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ فِي كُلِّ زَمَنْ وَمَكَانِ أَهْلُ السَّعَادَةِ فِي كُلِّ زَمَنْ وَمَكَانِ. Ce sont les gens en réalité du bonheur à chaque époque et à chaque endroit. وَهُمْ طَائِفَةٌ نَاجِيَةٌ مِنْ أَهْلِ كُلِّ مِلَّةٍ. Donc ce sont en réalité le groupe sauvé de chaque communauté. حَتَّى عَنْدَ الْيَهُودِ حَتَّى عَنْدَ النَّصَارَى الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْأَنْبِيَاء حَقًّا. Ceux qui ont vraiment suivi, donc Isa n'est pas à son époque. Ceux qui ont suivi Moussa lorsqu'il était demandé. Ceux qui ont suivi Ibrahim à l'époque où il était demandé. Donc ce sont les gens donc de toute religion, dans le sens où on comprend, c'est-à-dire de toute époque de prophète. وَهُمْ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْحَدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Donc ce sont les gens de la sunna et du hadith de cette communauté. فَإِنَّهُمْ يُشَارِكُونَ سَائِرَ الْأُمَّةِ فِيمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أُمُورِ الرِّسَالَةِ. بمعنى هم يعني أخذوا جميع الجوانب. أخذوا الدين بكامله. ليس كبعض الناس يأخذون بس جزء من الرسالة يهتم به ونسي الناس يعني أشياء مهمة جدا مثلا. قد بعض الناس لا يهتمون أصلا بالتوحيد. فالذي لا يهتم بالتوحيد لا يهتم بالله عز وجل. لأن التوحيد يعني الكلام عن الله عز وجل مثلا. Donc ici, les gens de la Sunna du consensus, ils sont associés avec toute la communauté dans ce qu'ils ont, eux, des choses de la religion, des choses en réalité du message. Il y a des gens, ils vont s'occuper que d'un attrait. Imaginez-vous que de la da'wa. Ils vont prendre ce qui est le vrai de la da'wa, ils vont s'occuper que de ça, à cet égard. Ou bien des gens vont s'occuper que d'autres sujets. Ou bien des gens, ils vont délaisser carrément le tawhid, parce qu'ils prennent ce qu'ils veulent, ils délaissent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les gens de la Sunna du consensus, ils prennent tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Ils ne délaissent rien. ويمتازون عنهم يعني بما يختص به من العلم الموروث عن الرسول بما يجهله غيرهم أو يكذب به. Donc ils vont en vérité se différencier de ce qu'ils ont été spécifiés par rapport à ça, parce qu'ils ont une spécification. C'est quoi? C'est l'ilm, et qui en vérité l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ilm mawruth yani hum ka'annahum yani min أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناؤهم تلامذهم في العلم وأبناؤهم يعني في الميراث. C'est comme si en réalité c'était les enfants du prophète صلى الله عليه وسلم, dans le sens où ce sont les héritiers. Et toi, ton héritage, si c'était donc des biens, tu les donnes à qui? À tes enfants. Mais eux, c'est quoi l'héritage? C'est la science. Donc ils ont en réalité comme prof et comme enseignant le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et donc ils ont une science dont des gens ignorent. يجهله أو يكذبه إما بالجهل إما بالتكذيب. Ou bien ils vont mentir. مع أن هذا العلم يعني صحيح. فالذي عنده هوى لا يقبله. Celui qui a des passions, il ne va pas accepter cette science. Donc il va mentir sur cette science. Ou en vérité, il n'a pas appris cette science tout simplement et il ne la connaît pas. يجهله جاهل ينفي ذلك. ووصفهم الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله حافظ الدين وأوعياء العلم وحملته ومنهم يعني كل عالم فقيه وإمام رافع نبيه وزاهد في قبيلته يعني في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم وكل مبتدع يعني باعتقادهم يتظاهر وهذا الإفصاح بغير مذاهبهم يعني لا يتجاسر. فخاتم البغدادي رحمة الله عليه من أكبر العلماء فهو قال حفظة الدين. Sont eux qui protègent la religion. ما وصل الدين إلينا إلا ب يعني طرق هؤلاء. ما جه كذا. كيف يعني نحن نستطيع أن نصلي مثلا حتى بالدقة مثلا حتى بالدقة حتى بأمور خفيفة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي طريقة. بطريقة هؤلاء، ليس بطريقة الذي لا يهتم، يعني ليس من العلماء وهو لا يهتم، يريد أن يقرأ في الدين أو ينشر الدين بغير علم، فهو يزاحم العلماء. Donc ce sont eux qui protègent la religion. Alhamdulillah, ce qui nous a été parvenu, c'est par le biais de ces savants. Comment nous, 14 siècles après, on est capable des fois de prier, même avec précision, hein, donc dans des points qui nous ont été donc, bien sûr donc, enseignés de la part de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam, mais par qui? Par le biais des, justement de cette chaîne de transmission de savants. Contrairement à ceux qui veulent parler de la religion ou qui écrivent des fois sur la prière, et on voit que c'est vide. On voit que ces livres-là sont vides parce que ces gens-là, ils ont décidé de prendre la place des ulama alors qu'ils ne devraient pas prendre. C'est pas leur rôle. Il y a des gens qui écrivent ou qui veulent enseigner, et pourtant ce n'est pas leur rôle. Ils n'ont pas le droit en réalité de faire ça. Yani, Aouïa, ce sont eux qui ont, donc, ce sont comme des récipients qui ont gardé et qui ont stocké donc la science. Et ils ont porté cette science. Donc parmi eux, chaque savant qui connaît la religion, faqih, donc il est connaisseur de la religion, c'est un imam, et qui a levé en réalité qui il y a le, c'est lui qui, c'est eux qui élèvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man alladhi yarfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kayfa tarfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, bi ittiba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hakada bil ittiba huwa yani yakun shart yani rafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu vas en vérité donc élever la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est pas en vérité par le fait de quoi, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aussi tu le vois donc Zahid, hein, donc il est en vérité donc il est ascète justement dans son groupe, dans le sens où il passe énormément de temps dans sa religion, dans le fait de pratiquer la religion. Zahid, donc dans le sens, lui ce qui compte pour lui c'est la religion. Et il a été spécifié bifardilatin, marsousun bifardilatin. Donc il fait partie des gens rares qui ont donc justement cette valeur, cette suprématie. Il y a un honneur. C'est des gens en vérité, ce sont des notables. Ce sont des gens nobles dans l'islam. Hein? On en connaît. Il y a ulama, alhamdulillah, qui ont connu les siècles, à travers les siècles, qui ont des grandes valeurs, on les connaît. Il lit, et il lit bien comme il faut. Moutrin, donc il sent rien, il connaît bien les sujets. Il appelle les gens à la religion, donc il est muhsin. C'est bien le faire. Et c'est en général donc le Jumhur et l'Adim. Ce sont en général la majorité de l'un. Donc ce sont donc la majorité des gens, où les gens en général, de façon générale, les suivent. Et leur voie, c'est la voie qui est droite. Et chaque personne qui, donc qui, chaque innovateur, de chaque personne qui va innover dans le fait de ne pas suivre en vérité leur dogme et leur foi, est un vahar. Il se montre. C'est-à-dire que chaque innovateur qui va appeler la religion, les ulama ils vont le remarquer. Parce que comme ils ont du ilm, ils vont savoir que ce qu'il a fait c'est faux. Donc ils vont pouvoir par rapport à cela en vérité donc répondre et dénigrer. Et aussi donc ils voient. Donc c'est pour ça que même que lorsque les gens se font montrer aussi en ayant en vérité une autre voie que la leur voie, donc ils ne vont pas en vérité aller loin. Ils ne vont pas réussir. Kana hunaka yani ahad ashkhas imam أدخل الناس في الإسلام والناس هؤلاء كانوا يقتلون الناس يعني قطع الطرق يقتلون الناس ولكن كيف جاء بهم بالأناشيد ما بالمغنيات جاء بالمغنيات فشيخ الإسلام ابن تيمية قال لو كان يعني هو عالما يعني سئل قال عالم فعل كذا وكذا قال لو كان عالما لما فعل كذا يعني عالم يعرف أنه هذا حرام فهو أصلا ليس بعالم لا يمكن فهو جاهل ولو أدخلوا الإسلام بهذه الطريقة فهذه الطريقة ليست صحيحة ليس نفرح خلاص دخل الإسلام يدخل الإسلام لكن بالطريقة الصحيحة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه رد عليه يعني ردا شديدا. On a demandé à Cheikh Islam Ibn Taymiyyah donc vis-à-vis d'une personne qui a fait rentrer des gens dans l'islam, qui tuait, donc c'était des bandits grand chemin. Ils faisaient énormément de mal, mais avec des chansons et autres. Et quand la question a été posée, ils ont dit c'est un imam. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah commence par dire que si c'était un imam, il n'aurait pas fait ça. Un vrai imam, il ne commence pas comme ça. Les anahadi tariqa, la takun ma'rufa, inda al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois la hayatihi. Wa da'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ta'a ashin salam. Laisa yanchar wahid fakat. Laisa da'a mara wahida fakat. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens de 23 ans. Avec tous les usuls connus. Et cette façon de faire n'a jamais existé. Voilà, men jaba'dahum min as-sahaba. Fa huwa jaba tariqa yani mubtada, yani laysa sahih, yani mubtada. Il est venu en vérité avec une voie qui n'existait pas. Et vous pouvez retrouver l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, donc dans le livre La Lumière, c'est bien ça, La Lumière, par rapport à Aqwal Salaf, donc de Sheikh Al-Udaylan, qui a été traduit. C'est quoi le titre? C'est La Lumière. Hein? Lumière sur la voie des plus prédécesseurs, c'est ça, de Sheikh Al-Udaylan, qui est traduit en français, le livre. Vous allez retrouver l'arcestin à l'intérieur, en français, pour ceux qui veulent l'avoir. Donc on voit qui sont en vérité donc, chez les ulama. وسئل ابن المبارك عن الطائفة المنصورة من هذه الطائفة فقال هم عندي أصحاب الحديث يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله من أكبر العلماء في الإسلام فيعني الكلام يعني فيه يعني ما شاء الله يعني طويل جدا يعني من الناس الذين لا يتركون الدقيقة إلا هم يعبدون الله عز وجل لو عرفوا متى يموتون ما استطاعوا أن يزيدوا شيء يعني في عبادتهم يعني لشدة يعني عبادتهم ces gens là donc Abd al-Rahman Mubarak fait partie des grands savants de l'islam. On dit de lui donc énormément de bienfaits, énormément de bien. On dit même de lui que si on lui disait que tu vas bientôt mourir, il ne pourrait pas changer quelque chose à sa situation, tellement tout ce qu'il fait, il le fait donc de la meilleure façon. Et il dit ici donc chez moi ce sont les gens du hadith, ashabu al-hadith. حتى قال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم حتى دوك ici donc يزيد بن هارون donc si ce sont pas les gens du hadith je ne sais pas qui ils sont. وقال الإمام البخاري رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يعني أصحاب الحديث حتى الإمام البخاري يقول ذلك وقال وهم أهل العلم et ce sont eux les gens de science. L'imam al-Bukhari donc il disait rahmatullah alayhi la tazal ta'ifatu min ummati, ce sont les gens du hadith et ce sont les gens de science. وقال أحمد بن سنان هم أهل العلم وأصحاب الآثار, ce sont les gens de science et les gens de la trace. La trace qu'on veut dire, c'est-à-dire ceux que nous a laissé comme héritage le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, et un alors il y a beaucoup d'accords dessus et qui se ressemblent, donc j'ai passé un petit peu certaines paroles. Qalu kazalik al-salaf, wa salaf bima'na al-ladina a'ashu qabdian. Yani al-salaf. Al-salaf, yani fil lura, kema qal ibn al-salaf, yani aslun yadulu ala taqaddum wa saq. Al-ladina ja'u qabd. Salaf, ce sont en vérité donc ceux qui ont vécu avant, les aïeuls, les anciens. ومن ذلك السلف الذين مضوا والقوم سلاف المتقدمون هذا بمعنى في اللغة كما قال يعني ابن فارس فالله عز وجل حتى هو يعني استعمل هذا اللفظ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين et nous avons fait d'eux donc des aïeuls et des exemples pour ceux qui viennent après, ceux qui sont après. وقال تعالى فلهما سلف عفا الله عما سلف بمعنى السلف سامو كي يجيز في اللغة donc ceux qui en vérité ceux qui étaient auparavant يغفر الله ما قد سلف il leur pardonne ceux qu'ils ont fait auparavant. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاها قال ونعم السلف أنا لك. Quel bon ni'ma salafu analaki, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam li bintihi Fatima. Wa al-hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc dans le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit en vérité, quel bon prédécesseur que je suis pour toi. Il y a quelqu'un qui peut avoir meilleur prédécesseur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Kulihad? Non. وقالوا يعني صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام يعني أسلمت على ما سلف من خير. Tu es entré dans l'islam avec ce que tu avais en réalité comme bon comportement apparemment. À la masse à la famille khair. Wa fi islah al-ulama, yani al-salaf, hunaka, yani ulama al-aqida, wa yutlaqu bis-salaf, yani ala as-sahabati wa at-tabi'in. لهم بإحسان وتابعهم هم السلف. Chez les ulama, à l'époque, lorsqu'ils écrivaient les livres de l'aqida, il y en a أو الكتب كتب السنة التي يعني ألفت ألفت خاصة في أمور العقيدة. لأن كان الناس يعني يختلفون خاصة في التوحيد في القضاء روافض خوارج يعني إلى آخره. فكتبوا ألفوا حتى يعني يحافظوا على الدين الله عز وجل. فسموا السلف يعني الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعهم. Donc les salaf chez les gens du Tawhid, chez les grands savants lorsqu'ils écrivaient leurs livres à l'époque, surtout en réponse à ceux qui déviaient, ils ont dit que les salaf c'était les compagnons, les tabi'in et ceux qui les suivent à la perfection. Wa aimat al-islam al-udul, les gens de l'islam donc qui sont justes. Mimman ittafaqat al-umma ala imamatihim wa 'izami sha'nihim fi ad-din, dont la communauté est d'accord pour dire que ce sont eux les imams dans la religion, et que ce sont eux les gens importants dans la religion. Car l'imam al-Bukhari, Muslim, l'imam Ahmed, l'imam Malik, al-Shafi'i, wa ghayruhum yani min al-a'imma. Donc, wa talaqqa al-muslimuna kalamahum yani khalafa min al-salaf bil-qabul, duna man rumiya bi-bid'a. Et aussi, donc, les musulmans ont accepté leurs paroles. Donc ceux qui sont venus après eux, hein, donc ils ont accepté les paroles des anciens, sans bien sûr, ils n'ont pas accepté la parole de ceux qui ont été donc connus pour les gens de la bida, les gens de la bida. Aulukiba ni relu mardi, ou bien si ils ont été en vérité donc critiqués avec un nom qui est détestable, on leur a mis un pseudonyme, ou bien on leur a donné un sobriquet. Donc c'était des gens qui étaient donc détestables. Ka el khawarij par exemple, quelqu'un qui soit appelé khawarij, c'est pas donc c'est péjoratif, mais ils le méritent bien. Pourquoi c'est péjoratif? Parce que c'est des gens qui sortent contre la communauté et ils sortent du nom Ahlus Sunnah wal Jama'a et ils sortent aussi contre donc l'imam et autres. Rafida, le fait de rejeter, de dénigrer. Nasiba, al-Qadariya, al-Murjiya, al-Ash'ariya, tout ça, al-Mu'tazila, al-Jahmiya, wa nahwihum. Wa madhhab al-Salaf huwa طريقهم في الاعتقاد المنسوب إليهم. Donc on voit bien. Regardez les autres noms. Tous les gens qui ont des noms, ils ont des noms qui en vérité, qui sont mauvais. En vérité, on comprend par rapport au nom que ce groupe-là n'est pas bon. قالوا المرجية قالوا هكذا قالوا هكذا. Ou bien c'est appelé par rapport aux actes qu'ils font, ou bien c'est appelé par rapport à ce qu'ils pensent, ou bien c'est appelé par rapport à leur chir. On sait bien que la religion ne vient pas d'un chir. Elle vient du prophète, donc elle vient d'Allah Azza wa Jal, et donc par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فقال الإمام الأوزعي رحمه الله كتب إلي قتادة من البصرة إن كانت الدار يعني فرقت بيننا وبينك فإن الألفة الإسلام بين أهلها جامعة. Donc l'imam Qatada, l'imam al-Hadith, il a répondu à l'Aouza'i, rahmatullah alayhim jami'a, كتب له يا رسول الله ما رآه صعب خاصة في الزمن يعني قديم كيف الناس يسافرون عرف أن هناك يعني عالم فقتد يعني كتب له من البصرة. Donc il a écrit de Basra. Il dit, même si la terre nous a séparés, dans le sens où moi je vis dans un endroit, toi tu vis dans un endroit, certes, donc les liens de l'islam nous a rassemblés, nous a en vérité donc rassemblés. وكذلك هناك قول أبي عبد الله النباجي الزاهد قال أصل العلم خمس خصال. L'origine de la science, il y en a cinq caractéristiques. Awwaluha al-imanu billah. La première chose qu'il faut, c'est croire en Allah Azzawajal. وَالثَّانِيَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ Connaître où est la vérité. وَالثَّالِثَ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ Donc, troisièmement, être sincère dans l'acte. رَابِعَ أَنْ يَكُونَ مَطْحَمَ رَجُلٌ مِنْ حَلَالٍ Quatrièmement, c'est que ce que tu manges provient donc du halal. الْخَامِسَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Cinquièmement, c'est qu'il soit donc conforme à la sunna et au groupe. فَلَوْ أَنَّ عَبْدًا آمَنَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَخْلَصَ نِيَّتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَرَفَ الْحَقَّ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ مَطْعَمُهُ مِنْ حَلَالٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ لَمْ يُنْتَفَعْ يعني مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ انظروا كيف ينجى بهذه الخمسة يعني لازم تكون يعني جامعة regardez en vérité comment il montre que les cinq elles sont obligées d'être ensemble. Il dit si le serviteur croit en Allah, il est sincère, il connaît la vérité, sait où elle est la vérité. Et il se nourrit du halal, c'est quelqu'un de, donc d'honnête. Mais simplement, il ne pratique pas la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et avec, donc, il n'est pas avec la sunna et avec le groupe. Dans le sens, il est sûrement dans la bid'a, donc il sait, on peut se diviser des gens. Tout ce qu'il y a auparavant, le fait de croire en Allah, le fait d'être sincère, le fait de manger le halal, ça ne lui est pas profitable. Vous voyez un petit peu comment que il dit cela. فَالْعِبْرَ بِالْتِزَامِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَنِي بَعْدَ النَّظَرِ بغض النظر عن المكان والزمان. Donc la ibra en vérité, ce qui compte, c'est que la personne en vérité pratique la sunna, là où il soit. Loin en réalité, donc où il soit. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وتمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا متى لما قال هذا لأصحابه يعني رؤينا يعني الغضب يعني في وجهه الصحابة رأوا الغضب يعني في وجهه وتغير الوجه فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها. Donc elle dit, on va être, donc pratiquer ma sunna ainsi que la sunna des successeurs bien guidés, donc les quatre califes qui viennent après moi, et accrochez-vous avec Tamassakoubihan. Il n'a pas juste dit donc suivez, Tamassakoubihan. Donc ça prouve que quand tu t'accroches à quelque chose, tu es proche, tu t'y tiens bien, tu es prêt, tu n'es pas prêt de quoi? De le lâcher. Addu alayha bin nawajid, mordez-y avec les molaires. Zid, encore une autre expression. On a déjà Tamassakoubihan, une expression. On a une deuxième expression qui va avec, donc mordez-y avec les molaires. On sait que les molaires, c'est là où on a plus de force. Lorsque tu mords quelque chose, si tu prends ce que tu veux, tu le laisses là, on ne pourra pas t'arracher très facilement. Et attention, il montre ici le contraire. Il nous prévient contre les nouvelles choses. Fi dinillah azza wa jal. Muhdathat al-umur. Car chaque nouvelle chose est égarée. Balala. Allah dit yuri dinine. An yabta'id an din fahwa. Ça, yani bil bid'a, chaque yabta'id an dinillah azza wa jal. Shay'an fa shay'an. وقال الإمام الأوزعي يعني عليك بالأثر وعليك بأثر من السلف وإن رفضك الناس. Donc il dit l'imam Aouzaï, rahmallah, il dit ici suis la trace, l'athar bimana, donc la sunna des plus prédécesseurs, même si les gens te repoussent. L'ibra laisse bima yuridun nas innama l'ibra bi ittiba'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui compte, ce qu'il demandait, c'est pas ce que les gens vont dire. C'est réellement en vérité le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala wasluk sabil salafika as-salih fa innaka yasa'uk fa innahu yasa'uk. Donc suis le chemin de tes plus prédécesseurs car c'est ce que tu dois faire. Yasa'uk. Tu ne peux pas, tu n'as pas d'autre issue que de suivre en réalité donc leur chemin. فما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يعني في تفسيره فقال هناك ثم استوى على العرش يعني قوله تعالى فقال يعني فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما يسلك هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم طبعا من العلماء. بمعنى كثير من الناس يتكلمون الآن يعني لا يخافون الله عز وجل يتكلمون حتى بغيرهم. فأنت ما عليك أن تسمع يعني من غير العلماء، خذ من العلماء المعتبرين، ارجع إلى الإمام مالك، ارجع إلى الإمام الشافعي، ارجع إلى أحمد وإلى إسحاق إلى الليث إلى الأوزعي، أما اترك جميع الناس الذين يتكلمون بغير علم، فارجع للأولين هم يعني أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصفى يعني قلوبا وعلما يعني وأعمق علما هؤلاء. Donc ici il nous montre Ibn Kathir rahmoullah dans son tafsir. Lorsque on prend un verset qui est connu où beaucoup de gens donc ont divergé, se sont permis de diverger dessus. Il n'y a pas de divergence dessus. C'est eux qui se sont permis de diverger dessus. Ils sont en vérité donc dans l'égarement. Lorsqu'Allah dit donc, et puis il s'est établi sur son trône. Donc il dit beaucoup de gens, donc les gens ont vis-à-vis de ce verset énormément de paroles. Et c'est pas le moment où on va justement donc expliquer les détails de cela. Mais simplement par rapport à ce sujet-là, les gens doivent suivre le chemin de leurs plus prédécesseurs, des anciens, comme l'imam Malik, comme l'imam Aouzaï, Al-Thawri, Layth ibn Sa'd, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Et en plus, quand tu regardes, tu vois que tous ces gens-là, ils ont tous vécu dans des régions différentes. Et même il y a quelques donc, différences aussi par rapport aux époques, ici, hein, des fois, d'un siècle ou quoi. C'est des régions différentes, c'est des époques un peu différentes, même si elles restent quand même très très proches, mais on comprend que voilà comment que la religion elle a été propagée en toute vérité. كذلك قال الإمام الذهبي إن يقول إن في مقدمة كتابه العلو للعلي الغفار فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنة ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بعلم. Écoutez ce qu'il dit donc l'imam al-Zahabi rahmatullah alayhi ou at-Tilmid Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah dans la préface de son livre donc al-Ulu qui parle justement par rapport au fait qu'Allah a été donc tout au-dessus des cieux. Il dit si tu veux au serviteur d'Allah être en réalité juste l'insaf, c'est-à-dire d'être juste dans ta façon de juger sur les choses, arrête-toi avec les textes, les dalils yani, du Coran et de la Sunna. Et puis regarde ce qu'ont dit les compagnons, les tabi'un, les imams, dans le tafsir, justement dans ces versets-là. Reviens, pourquoi tu prends la parole d'un contemporain qui t'égare? Pourquoi tu prends la parole de quelqu'un en vérité qui a décidé d'utiliser une autre façon de faire, la raison ou autre? Et ce qu'ont dit la voix des salafs. Où tu parles avec science, ou tu te tais aussi avec science. Où tu parles avec science, ou bien en vérité, tu te tais avec science. Il dit aussi, chez les Sami Timir, la aïba, à la main azhar à madhab al-salaf, wa antasaba ilayhi, wa atazza ilayhi, bel yajibu qaboul al-zalika minhu, fa inna madhab al-salaf, la yakun illa haqqa. Il n'y a pas de honte, laisse un aïb, yani. Que quelqu'un montre, et au contraire, il montre devant les gens donc la voix des plus prédécesseurs. Et il dit qu'il fait partie de cela. Donc il dit, moi, ma voix, c'est la voix des salaf. Il en est fier. Voire même, c'est une obligation d'accepter cela. Car le madhhab des salaf n'est que vérité. N'est en réalité donc que vérité. Et aussi, donc on voit aussi donc قال يعني أبو حاتم الرازي رحمه الله مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان وتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل par exemple. Donc Abu Hatim Razi montre notre voie, celle que nous avons choisie, c'est de suivre le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses compagnons et ceux qui sont venus après eux et ceux qui viennent après eux en toute bonté, et de s'accrocher réellement à la voix des gens de la trace, des gens des preuves, comme l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. وكذلك يعني قال ابن المبارك حين سئل عن الجماعة on a posé la question à عبد الله بن مبارك رحمه الله قال فقال يعني أبو بكر وعمر وقيل له قد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان قيل قد مات فلان أو فلان قال عبد الله بن مبارك يعني أبو حمزة السكري نعم جماعة أبو حمزة السكري جماعة donc يسألون من هو يعني هؤلاء الناس يعني هم يسألون من donc il dit ils ont posé la question du groupe qui est le groupe donc il leur montre c'est ça Abu Bakr et Omar c'est l'un des compagnons ils disent mais ils sont morts alors ils donnent des autres personnes qui sont morts aussi des gens qui sont venus avant eux et aussi ils sont morts et un tel ils sont morts jusqu'après ce qu'ils disent donc un tel de cette époque là donc lui fait partie en général donc des gens de la Sunna et du consensus وعندهم من خصائص les gens de la Sunna et du consensus c'est الفصل الخامس الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجماعة لهم من الخصائص ils ont des spécificités ainsi que des qualités ou des attributs qui sont de façon donc générale les spécificités les qualités générales des gens de la Sunna et du consensus أولا أهل السنة ليس لهم اسم يجمعهم سوى هذا الاسم ما جمعوا بأسماء أخرى donc les gens de la Sunna et du consensus ils ont un nom qui les a rassemblés ils ont été rassemblés par rapport à ce nom là قال ميمون ابن مهران إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام attention aux noms qui ne sont pas appelés donc par autre que l'islam بمعنى الإسلام ما جاء به بدليل إذا قال شخص يعني مثلا أنا كذا كما شفنا الخوارج الإسلام ما جاء قال يعني سموا أنفسكم الخوارج إما المسلمين إما المؤمنين إما أهل السنة والجماعة يعني هناك الأدلة موجودة obligé que tu ton nom vient d'une preuve Sinon tu ne peux pas avoir donc, l'appartenance là, hein, le groupe dont tu fais partie, il doit avoir une preuve. Il faut qu'il y ait des traces dessus. S'il n'y a pas de traces, donc c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il dit attention à chaque nom qui n'a pas en vérité l'islam comme justement hein, donc le comme preuve. D'accord? وقال ابن عبد البر العالم المالكي رحمه الله donc c'est un des grands ulama malikites جاء رجل إلى مالك فقال وهو الذي يعني شرح الموطا له يعني شرح طويل للموطا وهو المعتمد يعني donc c'est lui qui a la grande explication الموطا hein, de موطا les ses frères et c'est le meilleur شرح qui existe dans le موطا de l'imam مالك il dit يا أبا عبد الله أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما يعني بيني وبين الله عز وجل. Un homme est venu voir l'imam Malik. Il lui dit, je te pose une question. Et je te prends en tant que témoin, hein, donc entre toi, donc je prends ces choses entre moi, entre toi et Allah Azza wa Jal. Entre moi, je te prends comme témoin, entre moi et Allah Azza wa Jal. Qala Malik, ma sha'Allah la quwwata illa billah. Seul. Donc l'imam Malik, il dit, ma sha'Allah la quwwata illa billah. Pose ta question. Qala man ahlu sunnah. Qui sont les gens de la sunnah? قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافدي. Ce sont les gens de la Sunna. Donc, بمعنى هو أخرج عن مواصفة أهل السنة يعني الأسماء الأخرى. أخرجهم حتى يبقى فقط يعني أهل السنة. Il est sorti donc tout simplement. أهل السنة ce sont donc les gens qui ne se font pas appeler ni جهمي ni رافدي ni أتل ni Qadari et autres. فهكذا يعني يحدد الإمام مالك رحمه الله يعني ويعرف أهل السنة بأنهم ليس لهم لقب يعرفون به إلا لقب المسؤول عنه أهل السنة. Donc voilà. Tous ceux qui n'ont pas ce nom-là, donc il ne faut pas partir de ces gens-là. وقال ابن القيم رحمة الله وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. Donc l'imam Ibn Qayyim rahmallah qui est venu quelques siècles après, il répète la même chose. Pourquoi il répète la même chose? Parce que lui aussi, il fait partie de la Sunna et que sa science, il a pris de ses grands savants tout simplement. Il n'a rien fait d'autre que prendre la science des saines successions. فأولهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم يعني تلاميذ طلاب وطلاب وطلاب حتى يصلون إلى هؤلاء. C'est comme ça que ça se passe la science. Ça a commencé par le prophète, les compagnons, les tabi'in, les autres jusque maintenant. Et des, donc les gens de la Sunna, ce sont les élèves du prophète, par bien sûr intermédiaire. يقول المالك ابن مغوال إذا تسمى رجل بغير الإسلام والسنة فالحقه بأي دين شئت. Si une personne lui-même se permet de ne pas s'appeler donc parmi le nom de l'islam ou de la sunna, donc on va être considéré de n'importe quelle religion que tu auras voulu. En latin, c'est une personne qui se sera réellement égarée. كذلك أهل السنة لا يجمعهم مكان واحد ولا يخلو عنهم زمان. Donc les gens de la sunna n'ont pas un endroit bien précis. Et non plus donc à toutes les époques on les verra. ويشهد ذلك ما سبق عن الأوزعي قال يعني كتب إلي قتادة من البصرة. On a vu tout à l'heure donc Qatada qui a écrit de البصرة. إن كانت الدار يعني فرقت بيننا وبينك فإن الألفة الإسلام بين أهلها جامعة. Donc même si nous sommes pas, nous vivons pas, on va être au même endroit, même si les endroits nous ont séparés, mais les liens de l'islam nous ont en vérité regroupés, nous ont réunis. وقال الإمام النووي رحمه الله ولا يلزم أن يكونوا أي طائفة منصورة مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في الأقطار. Donc même Nawami aussi montre bien que bien sûr donc ça ne demande pas qu'ils soient réunis au même endroit, mais ils peuvent très bien donc séparés dans tous les endroits de la terre. في المغرب يعني هناك في الصين في بلدان العرب الأخرين وفي أوروبا مثلا. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأئمة الدين هم من بعدهم مفترقين أو متفرقين يعني في الأمصار لا يجمعهم مكان واحد، مع ذلك كانوا جميعا من أهل السنة بل أئمة أهل السنة وأعلامهم. Bien au contraire, donc ils étaient séparés et pourtant c'était tous donc les gens de la sunna. ومن الأدلة لما يأتي الدجال أنا ينزل عيسى في دمشق أول نزول يكون في دمشق يقتلوا الدجال يعني في فلسطين في فلسطين نعم. لكن أنا ينزل في دمشق ومن هنا المؤمنون الذين يؤمنون بالله ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عيسى لما يأتي عليه السلام سيأتي يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذن بالسنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتبعه يعني أناس هناك من دمشق وتمن أناس من اليمن أناس من المدينة يعني يكون مؤمنون من جميع الأقطار. Donc on voit qu'il y aura des croyants partout. Et pourtant Issa il descend où? À Dimashq. Pour montrer qu'en réalité ça c'est pas un seul lieu, c'est partout. Ça sera donc partout. C'est fiché. كذلك أهل السنة مشتغلون بأبواب الخير كافة بأبواب الخير كافة. هم لا يعني يشتغلون فقط في شيء واحد مثلا فقط في الدعوة ولا فقط يعني مثلا في الأذكار مثلا. Donc les gens de la Sunna ils sont occupés à quoi, donc ils mettent en pratique tous les types de biens qui existent. ليس فقط يعني الدعوة وليس فقط الأذكار مثلا. Ça ne s'arrête pas à la dawa tout seul. Ça ne s'arrête pas aux invocations, aux doigts tout seul. Là. Belahum yani yamanu bi jami' ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils mettent en vérité en application tout ce que est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa ahlus sunnah la yajma'uhum yani takhassus 'ilmi wa la 'amali bi 'aynihi. Donc ils ne se sont pas réunis juste par une spécificité dans la science ou dans l'acte. بل منهم يعني المشتغلون بألوان العلوم النافعة بقصد حماية الدين وحفظ العلم أصولا وفروعا ووسائل ومنهم المشتغلون برد البدع وكمع أهلها وبيان الطريق المحجة ودفع الالتساب عنها ومنهم يعني المرابطون في الثغور والمصابرون في الأعداء للأعداء ساهرون على حماية حزوة الحذر البيضاء ومنهم يعني مناهدون للمنكر والناهون عنه الآمرون بالمعروف الداعون إليه. ولا شك أن المشتغلين بعلم الإسلام عقيدة وفقها وحديثا وتفسيرا وتعلما وتعليما ودعوة وتطبيقا هم أولى الناس بهذا الوصف وأولاهم بالدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل البدع إن كان أو إن إذ إن ذلك كله لابد أن يقترن بالعلم الصحيح المأخوذ من الوحي. قال الإمام النووي رحمه الله يعني ويحتمل أن هذه الطائفة يعني الطائفة المنصورة مفترقة بين أنواع المؤمنين منهم يعني شعبان مقاتلون ومنهم زهاد آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع يعني أخرى من الخير. Donc pour dire que les gens de la Sunna ils ne s'arrêtent pas juste à un type de bien mais en vérité ils font beaucoup de bien parmi des gens donc qui vont en vérité rechercher à protéger par la religion dans les écritures. هذا الذي فعل الإمام البخاري. الإمام البخاري يعني ما يكفي لنا نعرف أن صحيح البخاري يعني فقط صحيح لا هذا ما يكفي لنا وإنما هو ما جاء به إلا ردا على الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بالشبهات والشهوات فهو رد عليهم يعني في جميع الأبواب رد على الأحناف رد على المرجية القدرية على الخوارج وا وا وا il répondait à l'ahnaf dans le fiqh donc ceux qui étaient l'ahnaf et qui faisaient des erreurs dans le fiqh il a répondu donc au khawarij il a répondu au qadariya il a répondu au murjiya il a répondu à tous ces sectes là qui montaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre donc ils sont là pour répondre il y a ceux aussi qui sont là pour protéger les musulmans ils surveillent les frontières maintenant et ils patientent contre l'ennemi donc si ils doivent se défendre de l'ennemi, ils vont le faire. Il y a ceux qui vont recommander le bien, ils vont réprouver le mal, ils vont pas sortir de cela, et ils vont écrire donc des bons livres dans le tafsir. Donc ils vont apprendre, ils vont enseigner, ils vont faire dawa, ils vont mettre en application. Donc ce sont eux en réalité donc les gens justement qui méritent le plus d'avoir justement donc le was de Al-Sunna wa Jama'a, car ils prennent leur science en réalité donc de la science de la science qui est véridique et qui vient du Wahid. C'est pour ça que l'imam Nawawi dit donc que ce groupe-là, le groupe sauvé, donc, il est divisé par tous les types de biens, par donc, plusieurs types de croyants. Ceux, Shuja'an, donc ceux qui sont en vérité courageux et qui se battent, ceux qui sont Zuhad, lui en vérité il passe beaucoup de temps dans l'adoration, il délaisse les choses de la vie d'ici-bas s'il le veut bien, ou bien ceux qui considèrent comme surplus, ceux qui recommandent le bien, interdisent le mal, ceux aussi qui. Et tous les types de biens qui existent. Le fait, par exemple, de donner un sadaqa, le fait d'aider les gens, le fait. C'est pour ça qu'on fait face à la Badu Aïma Salaf al-Taif al-Mansoura wa al-Firqa al-Najiya al-Sunna wa al-Jama'a bi annahum Ashab al-Hadith. C'est pour ça qu'on retrouve que tous ces noms-là reviennent à Ashab al-Hadith, comme le disent donc certains imams. Et c'est pour ça que même Al-Bukhari dit ici hum ahlul ilm لان الذي تعلم الحديث تعلم العلم هو الذي صاحب الحديث صاحب علم لا يمكن يكون هناك يعني كما يقول البعض يعني هو يعرف الحديث فقط ما الحديث وانما ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ما عنده علم وهو يعني يعرف ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم donc c'est quoi le hadith les gens du hadith ce sont qui connaissent donc qui savent ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait qui savent ce qu'il a dit, qui savent là où pourquoi il a fait, pourquoi il a dit, il a khéli. Et les gens disent que c'est juste quelqu'un du hadith. Alors s'il connaît tout ça, il a justement la science. Ça c'est justement une preuve de science, bien au contraire. C'est l'heure. Waqt salat. Hein? Salat. Donc on s'arrête là, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.